إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite et vous préserve. Nous poursuivons l'étude du livre « L'éthique des mémorisateurs du Coran » de l'imam Al-Ajurri, rahmahullah, rahmatan wasi'a. Et nous sommes toujours dans le quatrième chapitre, la mention des comportements des gens du Coran. Et nous nous étions arrêtés à la parole de l'auteur, rahmahullah, « Si il en a les moyens, il dépense généreusement. Et si il est moins nanti, il fait preuve d'abstinence. » C'est-à-dire que dans tous les cas, le mémorisateur du Coran est dans un bien. Lorsqu'il a les moyens, il dépense généreusement. Il ne se montre ni prodigue, ni avare. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans Sourate Al-Furqan, والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ne se montrent ni prodigues ni avares, mais s'en tiennent à la juste mesure. Et lorsqu'il est moins nanti, il dépense en fonction de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé comme bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate le divorce: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. Que celui qui est aisé dépense en fonction de sa richesse, et que celui dont les biens sont restreints dépense en fonction de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Ensuite l'auteur nous dit, rahmahullah, il se contente du peu, et cela lui suffit. Ici l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous mentionne une caractéristique importante du mémorisateur du Coran. Et cette caractéristique est qu'il doit se contenter de ce qu'il a. Il ne prête pas attention à ce que possèdent les gens comme bien mondain. Car le fait de donner beaucoup d'attention au bien des autres va sûrement le pousser à ne plus se satisfaire de ce qu'il possède. Et ceci peut même être une cause qu'il délaisse l'étude de la science. Et pire encore, cela peut même être la cause qu'il tombe dans le péché, wal'iyadhu billah. L'étudiant en science sait qu'il est dans un grand bien dans tous les cas, qu'il ait beaucoup d'argent ou non, car il a la certitude que rien n'équivaut à la demande de science. L'imam Ahmad, rahimahullah, disait: Rien n'équivaut la science pour celui qui a une bonne intention. Ainsi, l'étudiant en science sait qu'il est dans un grand bien. Dès lors, il ne prête pas attention à ce que possèdent les gens et se suffit de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Comme c'était le cas de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En effet, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam se suffisait de ce qu'il possédait et cherchait refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre une âme qui n'est pas rassasiée. L'imam muslim rapporte, d'après Zayd ibn Arqam radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre une science non profitable, un cœur qui ne craint pas, une âme qui n'est pas rassasiée et une invocation non exaucée. » Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui tombent dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit à cause du fait qu'ils ne se suffisent pas de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah, et il craint pour lui-même ce qui risquerait de le faire dépasser les limites dans la vie d'ici-bas. Car le surplus de biens peut être une cause menant à la désobéissance. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet: « Kalla innal insana layatara arra'ahu starna » En vérité, l'homme transgresse lorsqu'il se considère nanti. Malheureusement, ceci est le cas de la majorité des gens, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde. Lorsqu'ils vont avoir des moyens, ils vont transgresser et vont estimer qu'ils peuvent se suffire à eux-mêmes. Ce qui va souvent les mener à préférer la vie d'ici-bas à l'au-delà. Et ces deux caractéristiques rassemblées mènent tout droit en enfer ou à l'a'yadhu billah. Et la preuve de cela réside dans Surat An-Nazi'at, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Quant à celui qui transgressait et préférait la vie d'ici-bas à l'au-delà, la fournaise sera sa destination finale. Ainsi, le mémorisateur du Coran craint pour lui-même et fait tout pour faire partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cités dans les versets suivants. Allah subhanahu wa ta'ala dit à la suite de ces versets, toujours dans la même sourate: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Quant à celui qui redoutait de comparaître devant son Seigneur et interdisait à son âme de céder à ses passions, le paradis sera sa destination finale. Ensuite, il dit, rahmahullah, il suit les prescriptions du Coran et de la Sunna. C'est-à-dire qu'il suit les prescriptions du Coran et de la Sunna dans toutes choses. Puis il dit, il mange avec science. Par exemple, il prononce le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de manger. Mange ce qu'il y a devant lui. Évoque Allah après avoir fini de manger, et autres parmi les comportements. Puis l'auteur rajoute, il boit avec science. Il boit de la main droite en étant assis, et ne souffle pas dans son verre si sa boisson est chaude. Puis il dit, il s'habille avec science, il dort avec science. Par exemple, il fait ses invocations avant de dormir, se met sur le côté droit, Et il apprend comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait. Il fait de même dans tous les sujets. Puis il dit, il entretient des relations charnelles avec sa femme, avec science. Il apprend tout ce qui est relatif au mariage. Que ce soit avant le mariage, comme par exemple avec quel type de femme doit-il se marier? Lorsqu'il veut demander une femme en mariage, comment doit-il faire? Quelle partie de son corps lui est-il permis de voir lors de la vision légiférée? Également, il apprend tout ce qui est relatif au bon comportement de la vie conjugale. Tout ceci pour agir avec science et clairvoyance. Puis il dit, rahimahullah, il fréquente ses amis avec science. Il leur rend visite avec science. Il leur demande la permission d'entrer chez eux avec science. Il les salue avec science. Également, le mémorisateur du Coran apprend le comportement à adopter avec ses amis pour agir avec science et clairvoyance. Il choisit le bon moment pour les visiter. Et lorsqu'il se trouve chez quelqu'un, il ne regarde pas partout. Son regard ne dévie pas. Mais plutôt il regarde ce qui lui est permis de regarder. Comme ce fut le comportement de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate An-Najm, concernant l'ascension nocturne, ma zara al-basar wa ma tara. Le regard du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a ni dévié ni outrepassé la limite. Au contraire de beaucoup de gens, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde. Lorsqu'ils sont invités, ils veulent regarder tout ce qui se passe dans la maison. Et ceci n'est pas un bon comportement. Puis il dit, rahmahullah, et il entretient des liens de bon voisinage avec ses voisins, avec science. C'est-à-dire qu'il connaît les droits de ses voisins. Il ne leur cause pas du tort et fait preuve de bienfaisance à leur égard, comme cela est venu dans le Coran et la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit, il s'impose d'être bienfaisant envers ses parents, car il connaît l'importance de la bienfaisance envers les parents. Et il sait pertinemment que cette œuvre est très aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ بِالْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit selon le sens du verset, adore Allah sans rien lui associer. Et faites preuve de bienfaisance envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le voisin proche, le voisin éloigné, le compagnon, le voyageur, et ceux qui sont sous vos jougs. Allah n'aime pas tout présomptueux arrogant. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a cité son adoration en premier, car c'est le droit le plus important. Puis il a mentionné la bienfaisance envers les parents. Car c'est le droit le plus important après celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci nous montre l'importance et l'obligation d'être bienfaisant envers ses parents. Ensuite il dit, rahmahullah, ainsi il déploie pour eux les ailes de la miséricorde. Il abaisse sa voix devant eux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le Coran, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui. Et marquez de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis, ô mon Seigneur, fais-leur à tout de miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Ensuite il dit, Rahmahullah, ils dépensent de ses biens en leur faveur. Naam, car ils sont prioritaires aux voisins, amis et autres. Ainsi ils dépensent en faveur de ses parents en priorité. Et il fait preuve de bienfaisance. Et concernant les dépenses envers les parents, les gens se sont divisés en trois catégories. La première catégorie, ceux qui ont fait preuve de laxisme. Ils préfèrent dépenser pour leurs amis que de dépenser pour leurs parents. Ils préfèrent aider leurs amis que d'aider leurs parents. Lorsque leurs amis ont besoin d'eux, ils accourent et les aident sans broncher. Par contre, lorsque c'est au tour de ses parents d'avoir besoin d'eux, ils n'ont jamais le temps. Et ceci, sans aucun doute, n'est pas un bon comportement. Ensuite, nous avons la deuxième catégorie. Ceux qui ont exagéré. Ils vont dépenser en faveur de leurs parents avec excès, quitte à mettre en difficulté leur épouse et leurs enfants. Et pour finir, nous avons la troisième catégorie. Ceux qui vont dépenser de leurs biens en faveur de leurs parents sans excès ni laxisme. Et il convient que le mémorisateur du Coran soit dans la troisième catégorie. Car il est modéré dans toutes ses affaires. Et le juste milieu est une caractéristique qui caractérise le mémorisateur du Coran. Dans toutes ses affaires, il est dans le juste milieu. Que ce soit dans sa croyance, dans son comportement, dans ses mu'amalat, dans ses relations envers les gens, il est toujours dans le juste milieu. Wallahu ta'ala a'la. وأعلم